Tu tires sur la couverture pendant que je m'étire. N'as-tu pas honte, Arthur? Tu vires au gris après les factures. Tu peux toujours courir, faut plus fumer, Arthur. Pense à ta santé avant ton film à la télé. Et si t'es pas trop fatigué, Arthur, je veux un bébé. Tu chavires après trois verres d'alcool pur. Tu me fais sourire avec tes idées, Arthur. Tu respires, tu ronfles et je soupire. Je me dis ça c'est un homme qui tombe comme une pomme. Regarde-toi, on se croirait.